Bonjour à toi, personnellement, cher épicurien. Tu es à l'écoute du podcast Épicure, shoot numéro 1. Mise en ligne le 10 avril 2014. Et moi, je suis Jean Seb. Pour tout commentaire ou demande que tu voudrais me faire, tu peux prendre contact avec moi par email jshamel99@gmail.com. Il est permis, voire même fortement suggéré que tu partages cette expérience au plus grand nombre de personnes possible. Épicure est hébergé par Balado Québec à l'adresse abrégée goo.gl/n3tvl1 tout en minuscule, et il est disponible sur iTunes. L'adresse abrégée est goo.gl/tout en majuscule ssf6wa. Épicure shoot numéro 1, entièrement axé sur l'initiation au géocaching, est fièrement commandité par l'Association Géocaching Québec, qui t'offre la chance de gagner un des prix offerts si tu t'inscris avant le 12 juillet 2014. Tous les détails en fin de buzz. Tu es prêt pour ton injection de bonheur? C'est maintenant que ça commence. Oyez, oyez, oyez, gentes hommes et gentes dames, podcasteurs et podophiles, il fut un temps où l'homme devait se défendre contre toutes les créatures qui peuplaient la terre. Il était à la merci de la nature et des aléas de la météo afin de récolter les petits fruits disséminés partout dans la plaine et dans la forêt. Il a dû ramasser du petit bois et dompter le feu afin d'améliorer son confort. L'homme a alors maîtrisé l'agriculture et diverses technologies afin de pouvoir devenir sédentaire et prendre le contrôle sur tout l'environnement qui l'entoure. Il a appris à dominer le bœuf, la chèvre, le cheval et le chien afin de les utiliser pour se soulager de tâches ingrates et nécessaires qui l'incombaient alors. Il a ainsi pu consacrer son esprit à des concepts de plus en plus abstraits afin de combler ses besoins de plus en plus futiles de son quotidien. Il a alors étudié le règne végétal et animal de la Terre. Il s'est mis à étudier les roches, les étoiles de l'univers. Il a envoyé des objets dans l'espace appelés satellites afin de mieux communiquer avec ses semblables et cartographier la Terre. C'est ainsi que l'on vit apparaître l'Internet et le GPS, sans lesquels il n'y aurait jamais pu y avoir le géocaching et le podcast Épicure. Yo man, Épicure, Épicure, c'est ça, Épicure. Hey. Et oui, Épicure, shoot numéro 1. J'avais tellement hâte de parler de ce sujet que j'ai décidé de commencer par le géocaching. Aujourd'hui, je ne fais que vous en faire l'introduction, car j'ai bien l'intention d'en reparler de temps à autre, et même d'inviter des géocacheurs d'expérience afin de partager leur expérience. Le géocaching, passe-temps, passion, sport et même addiction compulsive pour certains, c'est un jeu de chasse au trésor dans le monde réel. Explication simple et rapide, il s'agit, en général, de trouver un contenant à un emplacement déterminé qui contient un papier que l'on signe pour prouver qu'on a trouvé la cache, puis d'enregistrer la découverte sur le site Internet. De base, ça coûte gratos, pas de tos, et tout le monde peut en faire, même en chaise roulante. Yes, sir. Jusqu'à maintenant, ça va? Vous vous demandez donc si vous pouvez essayer? Rendez-vous sur le site geocaching.com, geocaching.com. Entrez votre code postal ou autres coordonnées, faites afficher la carte des caches et puis envoyez-vous. Promenez-vous sur la carte, zoomez, dézoomez, chaque icône sont une cache. Vous remarquez déjà qu'il y a divers types d'icônes. Nous y reviendrons. Si vous cliquez sur une icône, vous pouvez déjà voir un peu d'informations sur la cache, dont, entre autres, son nom, son code unique composé de 6 lettres et chiffres, et de 2 séries d'étoiles correspondant au niveau de difficulté du terrain pour se rendre à la cache, et l'autre associé au niveau de difficulté pour trouver la cache en soi, une fois rendu sur place. Mais là, wow, slack, t'as peu, avant de mettre tes bottes à vache puis de courir comme un dératé dans la plaine et dans la montagne, il y a encore des choses que tu dois faire et connaître. Primo uno, il faut que tu t'enregistres. Pas besoin de ton certificat de naissance, et je le répète, de base, ça coûte rien. Juste besoin d'un pseudo, joli ou non, mais je vous suggère pas trop long, et des petits papiers à signer. Et bien sûr, d'un mot de passe pour accéder à votre compte. Cette difficile épreuve complétée, bravo! Vous êtes accrédité membre en règle géocacheur. Bien sûr, il existe une formule payante au très modique coût de $30 par année. Personnellement, je vous confirme que même avec mon statut d'épicurien, ce forfait en vaut le prix, mais assurément non requis, pour vivre pleinement la joie du géocaching. L'intérêt de payer, c'est que certaines caches s'ajoutent sur votre carte, que vous avez alors le privilège de créer des caches vous aussi, et certaines options sur le site Internet s'ajoutent, telles que le téléchargement d'une multitude de caches selon divers critères de recherche d'un seul coup, appelé Pocket Query. Commencez gratuitement. Si vraiment vous avez l'épicure, vous saurez d'instinct quand ce sera le temps d'investir et pourquoi. Aussi, avant d'investir dans les appareils électroniques, commencez par les appareils que vous possédez déjà. Si c'est votre cas, moi, j'ai fait mes premières 50 caches sans aucun bidule que ce soit, seulement à partir des infos du site et de Google Maps. Je me servais de points de repère visuels tels que le nombre de poteaux de lumière à partir de la rue la plus proche, les bâtisses, les arbres isolés, ou même ceux qui sont de couleurs différentes des autres autour, car d'une autre espèce. Ça ajoute un niveau de difficulté supplémentaire et certaines limitations dans les caches possibles, bien sûr. Mais il en reste encore plein à faire et ça ne fait qu'aiguiser votre sens de l'observation encore plus. Lisez, essayez, faites-vous conseiller donc avant d'investir. Des appareils, il y en a pour tous les prix et songez aux autres utilités que vous exigerez de l'appareil. Cartes routières et sentiers, vous sont-ils requis? La mémoire requise? En couleur ou en noir et blanc? La dimension de l'appareil? Est-ce que pour vous c'est important qu'il soit étanche? Plusieurs n'utilisent que leur téléphone intelligent ou iPad. À vous de magasiner et contactez-moi si vous avez des questions ou pour vous orienter vers des choix possibles. Revenons au téléphone. Ce qu'il faut savoir. Les caches doivent être replacées exactement au même endroit où vous l'avez trouvé et parfois dans la même position. S'il y avait du camouflage, refaites-le comme il était, sans exagérer. Mais pour cela, fiez-vous au niveau de difficulté pour juger du camouflage requis. On s'entend qu'une cache de niveau 4, assurez-vous de bien la cacher. Une cache de niveau 2? Bon, faut être capable de la voir quand même à une certaine distance. Les caches sont de toute grosseur. Les nanos sont à peine de la grosseur d'une pile de montre et font moins de 1 cm carré. On peut aussi parfois les retrouver dans la catégorie Other. Les micros, qui vont jusqu'à la grosseur de 35 cm cubes, généralement un pot de pilule ou de pellicule photo. Les small, soit un pot de beurre de peanut régulier, jusqu'à la grosseur d'un gallon de peinture. Les larges, une chaudière et même plus. Pour celles de la catégorie Other ou non déterminée, c'est n'importe quelle grosseur. Parfois, des indices se trouvent dans la description de la cache ou dans les commentaires. Généralement, c'est pour donner un niveau de difficulté supplémentaire parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre. Dans les caches qui commencent à avoir un certain volume, il est possible que vous trouviez diverses babioles ou gugus. C'est là que les enfants y prennent le plus d'intérêt. La bonne éthique est que si l'on prend quelque chose, on met aussi quelque chose, en échange, de même valeur. Avertissement très important ici. Inspectez tous les items que vos enfants prennent. J'ai mentionné que les caches devaient demeurer au même endroit, mais dans le jeu de géocaching, certains items à l'intérieur sont appelés des objets voyageurs ou géopièces, en anglais travel bug et géocoin. Ces objets portent un numéro unique gravé dessus ou sur une étiquette. Généralement, ils ont des missions à accomplir. Au début, ne les prenez pas physiquement. Vous pouvez noter le numéro et dire que vous l'avez vu. Un peu plus tard, quand vous aurez compris le fonctionnement de ces objets, vous pourrez les prendre et les faire évoluer dans leur mission. Mais assurez-vous de ne pas les garder plus de 2 semaines. S'il vous plaît, ne les prenez pas si vous n'avez pas l'intention de les remettre dans d'autres caches ou si vous n'êtes pas certain de pouvoir le faire dans un court délai. C'est une autre facette du géocaching qui n'est souvent pas connue des nouveaux géocacheurs ou des jeunes accompagnateurs. Sur les géocoins particulièrement, le numéro peut être très discret et difficile à voir. Il faut même regarder parfois sur le côté des pièces. Spécifiquement, les géocoins sont faits en métal et ressemblent à des sous. Ils sont très souvent très très jolis et coûtent quand même quelques dizaines de dollars. Certains les collectionnent un certain temps, mais ils doivent revenir en jeu. Les travel bugs, quant à eux, ont une étiquette métallique avec un numéro d'un côté et un logo en genre d'insecte de l'autre, attaché à l'aide d'une chaîne sur un objet quelconque, souvent un toutou, un jouet ou tout autre objet. Certains ont même été associés à une brique. J'ai même entendu l'histoire d'un travel bug qui avait été attaché à une roue de bicyclette. C'est bien pour dire, hein? Alors, vous voyez déjà qu'il y a plusieurs façons de faire du géocaching. Trouver des caches de différentes grosseurs à divers endroits, des objets voyageurs, mais il y a encore de la place pour plus de défis. En regardant la carte, il y a des icônes avec un point d'interrogation. Ce sont des caches dites mystères. Les coordonnées indiquées ne sont pas les bonnes. Il faut résoudre un problème pour obtenir l'emplacement exact de la cache. Qu'il s'agisse d'un sudoku, un mot croisé, répondre à des questions spécifiques telles que le nombre de voyelles sur un écriteau. Ici, bien des variables existent. Parfois, les coordonnées sont bonnes, mais vous devez avoir certains critères pour que ce soit reconnu. Par exemple, vous devez avoir trouvé au moins 100 caches ou fait un certain nombre de grosses caches ou avoir trouvé une cache dans chaque province ou arrondissement, etc. Pour celle-ci, il vous faut lire la description de la cache avant de vous y rendre. Vous serez déçu si vous ne le faites pas avant. Une autre icône que vous pouvez remarquer est un genre de classeur. Ce sont des multicaches. Il vous faut généralement, à partir de cet endroit, trouver divers indices sur place ou en suivant un tracé pour trouver la cache finale. Il est recommandé de lire la description avant de vous y rendre aussi, mais il faut souvent juste prévoir un peu, beaucoup, parfois pas mal de temps pour faire ses caches, car on vous fera probablement marcher en long, en large et en travers. Quoi d'autre? Il y a aussi occasion de rencontrer d'autres géocacheurs. Ce sont des events. Ils sont représentés par une bulle genre bande dessinée. Les événements se passent à un endroit et à une heure donnée. La plupart du temps, il faut mentionner notre intention d'y aller en faisant un « will attend », ce qui veut dire que nous avons l'intention d'y aller. La raison en est simple, c'est que parfois le nombre de places est limité, donc les organisateurs veulent s'assurer d'avoir de la place pour tout le monde. Et pour chaque event, il faut signer le document officiel pour que la cache soit reconnue. Et oui, ça compte comme une cache aussi. Et ensuite, il ne faut pas oublier d'aller enregistrer sa visite sur le site pour obtenir son petit bonhomme sourire. Certaines de ces rencontres sont assez intimes avec une dizaine de personnes. Lorsqu'un événement porte la mention « Mega Event », ce sont généralement des activités qui sont dans le cadre de l'association de géocaching. On peut attendre un minimum de 500 personnes dans ces événements-là. Et je vous le dis tout de suite, ne soyez pas gênés de vous inscrire à ces activités. Vous connaissez pas personne, il y en a plusieurs qui sont dans ce mode-là. Vous avez tous un point en commun, vous êtes géocacheurs. Avant de continuer, on se fait une petite pause, je prends un petit verre d'eau et je vous reviens. Bonjour, je suis Zaz, on va vous interpréter le titre « Je veux » qui a été écrit par Kereddine Saltani et composé par Tris. Et voilà, ça parle de ce que je veux, c'est-à-dire de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Do joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour. Allons ensemble découvrir ma liberté. Wow! Hey! C'est-tu bon du Zaz? Ah! Ok, alors maintenant, pourquoi faire du géocaching? Pour vous, je le sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est essayez-le, vous le découvrirez alors. Plusieurs en font une dizaine, puis laissent tomber, n'y trouvant pas d'intérêt. Une suggestion, essayez divers types de cache et assistez au moins à un événement. Vous aurez ainsi la chance de vivre l'expérience en solo. Et les events sont souvent juste un prétexte pour aller faire des caches en groupe juste après. Ah oui, je profite de mon retour sur les événements pour ouvrir une parenthèse sur les objets voyageurs. Certains font de leur véhicule un travel bug. Un autocollant peut être collé dans une vitre ou ailleurs sur le véhicule. Prenez le numéro en note, c'est un objet voyageur que vous pouvez enregistrer. Même les animaux de compagnie des géocacheurs peuvent avoir un numéro. De mon côté, j'aime aussi beaucoup aider autant que possible les objets voyageurs à progresser dans leur mission. Pour ce faire, je les repère à partir du site Géocaching, puis je lis leur description. Il y a certaines caches qui sont reconnues pour être des hôtels. Généralement, ce sont d'assez grosses caches, facile d'accès en tout temps et près d'un axe routier important. Je les y dépose donc là, afin que les géocacheurs de passage puissent facilement les faire progresser. Ainsi, il y a deux caches que je garnis ou m'approvisionne régulièrement, soit l'une dans une sortie d'autoroute près de chez moi et l'autre est à l'entrée de l'aéroport. Pour les objets qui demandent seulement à se promener de cache en cache, je m'en sers comme appât à géocacheur. Je les dépose dans ma grosse cache au coin de mon terrain et alors j'ai le grand plaisir de pouvoir observer quelques spécimens avec mes jumelles à travers ma porte-patio. C'est aussi ça le géocaching. Et même que certains géocacheurs entrent en contact avec moi lorsqu'ils voient des choses inusitées pour eux. Ce printemps, comme l'an dernier, nous avons une famille d'Urubu qui niche tout près de ma cache. Et ceux qui ont la chance de les observer comme Tournesol et Plume, eh bien, ils se font un grand plaisir de m'en faire part. Certains autres géocacheurs comme Dumpel se font un grand plaisir de venir initier les géocacheurs à ma cache, entre autres parce qu'elle est accrochée dans un arbre très haut. C'est une grosse boîte et puis bon, c'est un bonheur de les voir jouer avec la corde. C'est pas tout le monde qui est pêcheur ou qui ont des cours de scoutisme pour jouer avec une corde. C'est assez drôle parfois de voir les gens comment ils ont réussi à remonter la chaudière pour la faire tenir. Alors le géocaching est pour moi une raison de prendre des marches pour le plus grand bien de ma santé. Ça me donne aussi l'occasion de faire un tour d'auto sur la pause ou l'heure du dîner. Lors de longs voyages, je fais adonner les arrêts pipi avec une ou deux cages d'intérêt. Autre chose que vous allez souvent voir dans les logs, on va parler de moldus. Ce sont les personnes qui ne font pas de géocaching ou qui ne connaissent pas ça. Le terme moldu vient entre autres de Harry Potter, qui sont les non-initiés à la magie. Donc vous êtes en quelque sorte des magiciens. On essaie de ne pas initier des personnes qui pourraient causer des problèmes au cache. Certains jeunes pourraient aller voler les caches, pourraient les briser, les déplacer. Et quand on fait du géocaching, on essaie de ne pas attirer l'attention sur nous. Chose qui est souvent assez rigolote. Alors en général, on essaie de se trouver une histoire de fond. Ces personnes-là, on ne les reverra pas. Seule chose, mettez-vous pas dans le trouble. Si la police ou une personne d'autorité intervient, dites-leur simplement la vérité. Sur le site de géocaching, vous pouvez faire imprimer une définition de ce qu'est le géocaching. Mettez-la dans votre sac, traînez-la. Si jamais quelqu'un pose vraiment des questions, vous pourrez leur expliquer ce que c'est, vous leur tendez le papier, et ainsi, vous n'aurez pas de problème. Parfois même, ils pourront vous aider à chercher la cache. Alors, avec les moldus, il peut vous arriver des événements très cocasses. Ne vous gênez pas pour le dire sur le site, ça fait partie de notre petit plaisir. Qu'y a-t-il d'autre à dire au sujet du géocaching? Je ne crois pas l'avoir mentionné, mais il y a plus de 2 millions de caches actives. J'allais dire sur la Terre, mais figurez-vous qu'il y en a une sur la Station Spatiale Internationale. C'est bien pour dire comment que ça peut être extrême le géocaching. En parlant d'extrême, il est à noter que la pratique n'est pas couverte par une assurance quelconque. Groundspeak, l'organisme qui régit le géocaching, se décharge de toute responsabilité. Si une cache se trouve à un endroit interdit ou privé, mentionnez-le sur la page de la carte et soyez très prudent quand vous faites du géocaching. Autant que possible, avisez des proches que vous allez en faire. Traînez avec vous un téléphone. Respectez en tout temps vos propres limites et capacités. Petit truc anodin mais très important, prenez toujours soin de marquer les coordonnées de votre véhicule pour le retrouver rapidement au besoin ou tout simplement pour le retrouver. Le géocaching, ça nous fait tourner en rond et on peut vite perdre notre orientation. Certaines caches peuvent être réellement extrêmes à atteindre. Les caches les plus difficiles à atteindre ont un niveau de difficulté de terrain de 4.5. Une cache de niveau 5 indique qu'il vous faut de l'équipement spécial. Il peut s'agir seulement d'un tournevis, d'une pince ou d'une pile. Mais parfois, il peut s'agir d'un bateau, d'une échelle, d'un matériel d'alpinisme ou de plongée sous-marine. En prenant connaissance des informations sur une cache, portez attention au pictogramme à droite. Elle vous donne rapidement diverses informations utiles sur la cache, telles que si les heures d'accessibilité sont limitées, si c'est une park and grab, une cache à l'auto en français, ce qui veut dire qu'on peut s'arrêter tout près de la cache avec une voiture, si la cache peut ou même doit être faite de nuit, le temps à prévoir pour réaliser le parcours, s'il y a risque de faire face à certains dangers de la part de bêtes, d'insectes ou de plantes vénéneuses. Dernier point avant de conclure cet épisode, je veux vous parler du sac du géocacheur. Vous trouverez très rapidement l'intérêt de vous créer un sac à dos ou toute autre forme de kit dédié à l'activité du géocaching. Qu'allez-vous mettre dedans? À vous de le compléter avec le temps et votre expérience. Mais je vous suggère un minimum, toujours prêt, dont une lampe de poche. Même en plein jour, vous aurez à inspecter des trous, des tuyaux, etc. Prenez une lampadelle si possible, elles sont souvent très lumineuses et beaucoup moins énergivores sur les piles que celles avec filament. Justement, des piles flambant neuves de tous les types dont vous avez besoin selon vos appareils. Dès que vous sortez un peu des sentiers battus, assurez-vous d'avoir une bonne vraie boussole. Même cheap, votre appareil pourrait vous lâcher ou perdre simplement le contact avec les satellites à cause d'un couvert d'arbres trop dense ou de montagnes. une pince à cils à bout pointu. Ça vous sera très pratique pour sortir les logs des micro-caches. Pour les rouler, un petit tournevis plat fait très bien l'affaire. En tout temps, traînez avec vous des sacs étanches de type Ziploc afin de remplacer ceux de la cache au besoin. En passant, ne mettez pas le crayon avec le logbook dans le sac, car ça percera assurément le sac, rendant le log humide. Ayez aussi une serviette propre ou des tissus papier genre Scott Towel au sec. Ça peut vous permettre d'y rouler un log humide dedans pour l'assécher suffisamment pour le signer. Une paire de gants peut être appréciée pour ne pas trop vous salir les mains et même vous protéger des insectes ou bêtes qui pourraient vous mordre. Au Québec, on n'a rien de bien bien méchant comme faune, mais ce n'est pas le cas partout. Au besoin, informez-vous des risques qu'il y a dans la région. Quelques sacs poubelles. La philosophie du géocaching est de ne pas laisser de traces. Et CITO, C-I-T-O, que vous verrez à l'occasion, ça veut dire cash in, trash out. Donc, on ramasse les cochonneries et on en dispose comme il se doit. Mais faites attention. J'ai déjà ramassé une vieille bouteille de vin que j'avais l'intention de réutiliser pour ma prochaine batch de vin. Et quand je suis venu pour la nettoyer, j'ai découvert la capsule du logbook collée dans le bouchon. Je me suis trouvé très drôle, ma famille aussi. Pour ce qui est du sac, c'est le minimum auquel je pense. Réservez-vous une place pour les objets voyageurs, sécuritaires et séparés des babioles et cadeaux que vous mettrez dans les caches pour les enfants, dont je vous encourage fortement à laisser. Si vous partez pour un minimum d'expédition, des barres énergétiques et de l'eau sont à songer selon les besoins, sachez qu'il faut prévoir environ 1 demi-litre d'eau par heure. Alors voilà qui conclut les notes que j'avais prises pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore commencé le géocaching, il est temps pour vous de l'essayer. Nous voici maintenant rendus au moment tant attendu, les tirages. Les candidatures pour le tirage seront prises jusqu'au 12 juillet 2014. Les prix qui vous sont offerts par l'Association Géocaching Québec et qui sont dédiés à des géocacheurs du Québec sont un certificat cadeau d'une valeur de 5$ échangeable à la géoboutique de l'association, une plaquette Travelbug pour faire des objets voyageurs, ainsi qu'une micro-géopièce Québec repérable sur le site de geocaching.com. Je vous rappelle que ces prix sont pour les personnes du Québec seulement. De façon personnelle, j'ajoute donc une micro-géopièce Québec repérable, mais celle-ci sera réservée pour les auditeurs à l'international. Même si vous êtes en Europe, même si vous êtes en Australie, même si vous êtes aux États-Unis, tout le monde a sa chance. Vous y avez droit à cette géopièce que j'ajoute. Alors, pour participer, vous me faites parvenir un email à l'adresse geocacheqc@gmail.com. Dans le titre du message, je vous en supplie, écrivez-moi tirage Québec si vous habitez la province de Québec ou tirage international si vous êtes de l'extérieur de la province de Québec. Si vous avez une préférence pour l'un des prix, mentionnez-le moi. Je ferai des catégories pour les tirages. L'Association Géocaching Québec est une association qui a pour mandat de promouvoir l'activité du géocaching au Québec par le biais de son site web et par l'organisation d'événements, tels que l'installation de géocaches sur la ZEC Lavigne, l'installation de géocaches sur l'île aux grues, Ils sont les organisateurs de l'événement Avalanche, le plus gros événement annuel au Québec, qui en sera à sa 10e édition Mega Event en 2015. Fier partenaire du parc régional de Belle-Rivière, distributeur international autorisé des produits Grand Peak, et ils ont plusieurs ententes de partenariat avec des parcs et entreprises via la présentation du PATAG officiel de l'AGQ. Les objectifs de l'Association Géocaching Québec sont d'encourager et de promouvoir les activités concernant le géocaching au Québec, de représenter l'ensemble de ses membres auprès d'autres organismes connus et reconnus, de coopérer avec d'autres organismes dans ce domaine et d'encourager la tenue régulière de réunions ou rencontres à l'échelle du Québec. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Assurez-vous de garder le lien avec Épicure fonctionnel. Je n'envoie pas des émissions régulièrement, mais il y en aura d'autres assurément.